Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. Ok, ok, les gros, c'est GTA, un JX. Écoute bien ça, Frollo. Ça me touche, cousin, sur la tête de ma mère. Si t'écoutes, ça sort des tripes, t'as pas le mental. Ok, je suis touché, droit au cœur, ok, salam. Merci, les gros, d'écouter mes sons, je parle à vous, mais si, les gros. Tu sens S, donne la confiance à Malfe, à Escami. LMC, clique, c'est pas la famille, c'est les amis. Touché, coulé par la sincérité de la place des bers. J'oublierai jamais Vaf qui m'a dit t'es en galère, basse des bers. J'aime trop mes amis d'enfance, je pense à vous qui m'oublient pas. Je parle bien sûr des buissons où j'ai fait mes premiers pas. Ça touche grave qu'un mec comme Funky fasse marcher de peau. Son pic Balthazar, t'as pas le mental, moi on m'achète pas. Touché de voir certains depuis chaud trop tôt quitter le terre-terre. D'entendre les dédicaces éternelles du poteau né terre-terre. Ça me touche quand je suis fait anonyme, agro viennent rapper. Quand Francis à l'annonce, tous mes enceintes, c'est que j'aime les rappeler. Je suis touché par les confidences et propos d'Anos. Mais ça me touche pas de croiser mes ennemis dans un gramos. Seems like it was yesterday when I saw your face. Ça me touche quand je vois mon meilleur pote devenir père du petit Adil. Quand ton prix s'incline sur un tapis de prière. Quand j'y repense à ces silences dans les bruits conflictuels. La blessure grave au cœur, toujours blessé à l'heure actuelle. En général, la détresse, la daronne face à la vieillesse. Le courage des dards sur les chantiers derrière un balai. À pas trahir, de vous péter ton cul convoité. Quand on juge le musulman à sa femme qui est voilée. Ça me touche un humain qui se nourrit dans les poubelles. Quand l'Afrique se fait baiser sans amour comme une poupée. L'Europe nous nargue, Israël veut de la place pour sa Grèce. En France, les chances de réussir restent elles anorexiques. Quand je vois un frère réussir avec qui tu doutes pas. Quand les plus fidèles sur mon amitié ne doutent pas. Ça me touche quand on me dit mal fait, ouais tu fais blesse. Quand je rappe chaque couplet que j'y écris mes faiblesses. Seems like it was yesterday when I saw your face. Moi ça me touche quand un de mes potes se balade en action co. Son seul souci en cours c'est de finir première ex aequo. Je me rappelle mon premier texte dans la fumée, la tête chez père. Avec Biro Yankee Bagdad au microphone j'ai DJ Perth. C'était la belle époque entre le rap et les rats. Et de ça tu te rappelleras. Maintenant j'ai rempli les racks. Ça me touche quand je rappe et qu'un Scarla m'apprécie. Je lui propose l'album GTA, d'un coup ce gars là m'en prend 6. Ça fait trop plaisir quand vous m'invitez sur votre album. Je me donne à fond et je cherche l'inspiration sous votre capom. Je me rappelle du collège et du foot au plateau. Tout allait bien mais fallait me dire que tout serait foutu plus tôt. Là-bas c'était fait à plein temps. Conneries cocachit, moi j'aurais dû profiter de mes qualités. Mais quel gâchis et j'en place une. Pour fond qui et les miens disparus. Profite à fond de la vie car ici ça devient de spirude. Ce qui me touche, du respect et un peu d'intérêt pour moi. Pour mon taf qui sur le rat des règnes. Des actes qui sur moi font un choc électrique. Des paroles et des mots qui m'ont chopé les tripes. Hypocrite, toi tu me piques sans balta. Pas de scrupules, ne côtoie pas, pique sans balta. Ça me touche, comme un daron est en l'erga. L'erga V, ça se ressent dans l'erga. J'invite la famille GTA et ils acceptent. C'est que le début des sommets, on n'en fera pas que 7. J'suis touché, quand son pique écoute mes blèmes, bro. Malgré la distance, t'as le mental et que des belles proses. Bélec, j'ai la patate et mon crochet t'ouvre les yeux. Quand tu m'as blessé, que tu m'as tranché tout. Viens voir dans ma tête, oui, c'est dedans qu'on flippe, qu'on kiffe. Ce qui me touche, écoutez donc mes danses qu'on fuit. I'm sorry for blaming you for everything. I just couldn't do. I'm sorry for blaming you for everything. I just couldn't do. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. I'm sorry.